En Corée du Sud, à Séoul, la population prépare la 5e action pan-nationale et la résistance générale prévue à la fin de novembre pour faire démissionner jusqu'au bout Park Geun-hye qui s'oppose à l'opinion publique. L'action populaire extraordinaire pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye a tenu le 23 courant une conférence de presse à la salle de réunion de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques à Séoul et déclaré livrer plus vigoureusement et au sérieux la lutte pour la démission immédiate du pouvoir de Park Geun-hye et continuer que cette lutte rassemblera 1 500 000 personnes à Séoul et 2 millions dans toutes les régions. Elle a publié le plan de la résistance générale prévu à la fin de novembre, comme la grève générale des ouvriers, le mouvement de désobéissance des citadins contre le pouvoir, l'attaque des machines agricoles des paysans contre la Maison Bleue, la grève des étudiants, etc.